Ouais, tu sais quoi, vas-y, laisse tomber. Je vais pioter, on verra si je le reprends. Aujourd'hui, je compte mes rêves sur les doigts de ma main, c'est simple. Le premier pour les miens, demain tout ira bien. On se contente de si peu, syntaxe de la vie, on aime ce qu'on a. Même si on n'a pas toujours l'air ravi. Je rêve de pouvoir les mettre à l'abri et puis de pouvoir. À force d'avoir trop vu l'homme, on a abusé devant moi. Mais si je m'efforce encore à croire qu'il peut être bon, c'est mon second souhait. Et qu'il arrête de faire pleuvoir des bons. Et qu'il arrête de faire pleurer des mômes, de dépraver ce monde, de s'engraisser pour écraser les autres. C'est mieux pour tout le monde qu'il s'en aille. C'est parce que les mauvais vont bien que les gens bien vont mal. Depuis beaucoup de mes rêves se sont fait la mal. Dire qu'adolescent je pensais devenir plus fort que ce qui dort dans mes draps. Mon rêve c'était de laisser une trace dans l'histoire. Que le monde change en bien et que j'en sois responsable. Je rêvais de trouver l'amour, de m'installer sur un terrain stable. D'avoir une belle famille chaque soir à table, un festin droit. D'avoir un destin clément pour la suite. Que mes potes ne prennent plus la fuite de manière tragique. Que la magie opère, que je puisse vivre de ma musique. Que je puisse offrir à mon père ce qu'il mérite. Je rêvais de vieillir aux côtés de mes potes. Pas qu'ils m'évitent, qu'ils se souviennent de ce qu'on était. Et surtout pas qu'ils l'oublient. Faut pas forcément blinder d'attributs pour changer le monde. Sais-tu combien d'idées sont nées sous l'abribus. Les idées les plus géniales sont les plus simples en général. Dommage qu'en grandissant ils nous aient sapé le moral. Alors que gosse, je rêvais tour à tour d'être bandit. Puis gentil, j'ai grandi jusqu'à 6 ans des étoiles dans les yeux. Et là mon premier rêve était de pouvoir parler à Dieu. Mais on m'a menti. Depuis j'ai grandi le cœur anéanti. Et ça m'a pas empêché de rêver d'être une star du foot. Enfant j'avais la foule que je voulais marquer des buts de fou. Moi je m'en tapais encore au drapeau sur ce thème là. Je scrutais le ciel des journées entières pour voir Superman. Je rêvais d'être grand et de pouvoir tout faire. Et comme tous les petits qui en ont un, bah je rêvais de faire comme mon grand frère. Je rêvais d'être l'homme le plus fort du monde. De sauter de toi en toi, de me transformer quand la lune était ronde. Que les arbres parlent et me dictent le récit. Que je sache moi aussi d'où je tire mes racines. J'étais comme tout gosse en fait qui pousse en feu maigri. Un être sans force qui rêvait de conquérir la vie.